Dieu, les nations sont entrées dans ton héritage. Elles ont profané ton saint temple. Elles ont réduit Jérusalem en ruine. Les cadavres de tes serviteurs jonchent la terre. Nous sommes en opprobre à nos voisins, la risée de ceux qui nous entourent. Jusqu'à quand, Éternel, seras-tu irrité? Ta jalousie brûlera-t-elle comme le feu? Secours-nous, Dieu de notre salut, pour la gloire de ton nom. Délivre-nous, pardonne nos péchés à cause de ton nom saint. Que la louange monte de nos chairs, ta délivrance éclate à jamais.